Mais en vérité, voilà un garçon qui me surprend, malgré que j'en ai. Dis-moi, Bourguignon, qui es-tu, toi qui me parles ainsi? Le fils d'honnêtes gens, qui n'était pas riche. Va, je te souhaite de bon cœur une meilleure situation que la tienne, et je voudrais y contribuer. La fortune a tort avec toi. Ma foi, Lisette, l'amour a plus tort qu'elle. J'aimerais mieux qu'il me fût permis de te demander ton cœur que d'avoir tous les biens du monde. Nous voilà, grâce au ciel, en conversation réglée. Bourguignon, je ne saurais me fâcher des discours que tu me tiens. Mais je t'en prie, changeons d'entretien. Venons à ton maître. Tu peux te passer de me parler d'amour, je pense. Tu pourrais bien te passer de m'en faire sentir, toi. Ah, je me fâcherai. Tu m'impatientes. Encore une fois, Bourguignon, laisse là ton amour. Quitte donc ta figure. À la fin, je crois qu'il m'amuse. Eh bien, Bourguignon, tu ne veux donc pas finir. Faudra-t-il que je te quitte? Je devrais déjà l'avoir fait. Attends, Lisette, je voulais moi-même te parler d'autre chose, mais je ne sais plus ce que c'est. J'avais de mon côté quelque chose à te dire, Bourguignon, mais tu m'as fait perdre mes idées aussi, à moi. Je me rappelle de t'avoir demandé si ta maîtresse te valait. Tu reviens à ton chemin par un détour. Adieu. Et non, te dis-je, Lisette, il ne s'agit ici que de mon maître. Eh bien, soit. Je voulais te parler de lui aussi, et j'espère que tu voudras bien me dire confidemment ce qu'il est. Ton attachement pour lui m'en donne bonne opinion. Il faut qu'il ait du mérite, puisque tu le sers. Lisette, tu me permettras peut-être de te remercier de ce que tu me dis là, par exemple. Bourguignon, veux-tu bien ne pas prendre garde à l'imprudence que j'ai eue de le dire? Voilà encore de ces réponses qui m'emportent. Fais comme tu voudras, Lisette, je n'y résiste point, et je suis bien malheureux de me trouver arrêté par tout ce qu'il y a de plus aimable au monde. Et moi, je voudrais bien savoir comment il se fait que j'ai la bonté de t'écouter, car, assurément, cela est singulier. Tu as raison, Lisette, notre aventure est unique. Malgré tout ce qu'il me dit, je ne suis point parti. Je ne pars point. Me voilà encore, et je réponds. En vérité, cela passe à la raillerie. Adieu, Bourguignon. Achevons donc ce que nous voulions dire, Lisette. Adieu, te dis-je. Plus de quartier. Quand ton maître sera venu, je tâcherai, en faveur de ma maîtresse, de le connaître par moi-même, s'il en vaut la peine. En attendant, tu vois cet appartement. C'est le vôtre. Tiens, Lisette, voici mon maître.